Je songe encore souvent aux jours heureux de nos vacances, à la mer bleue, au vent brûlant, à ma joie intense. Je t'aimais, couché près de toi sur le sable. Je me taisais, tu souriais, c'était sur le sable. Je t'aimais, tout était de bleu ineffable. Le ciel et la mer, tes yeux, oui mais, écrits sur le sable. Il me fallut partir, et vint le temps de la souffrance, car c'est trop peu ton souvenir, et trop ton silence. Je t'aimais, nos corps paraissaient si semblables. Je me taisais, tu souriais, c'était sur le sable. Je t'aimais, tout était de bleu ineffable. Le ciel, la mer, tes yeux, oui mais, écrits sur le sable.